Chapitre 16 de ABC Petit conte de Jules Lemaître Enregistré pour LibriVox.org Oreille. Quand Noé eut rassemblé les animaux devant l'arche, il se dit « Toutes ces bêtes vont sûrement se disputer et se mordre les oreilles. Il serait donc prudent de leur enlever les oreilles avant leur entrée dans l'arche. On les leur rendra à la sortie. » Il fit installer un vestiaire et donna l'ordre à ses fils d'y ranger les oreilles, à mesure que les bêtes se présenteraient. Le premier fut le chameau, puis vint le cheval, puis la vache, puis le chien, le mouton, le cochon, le chat, l'éléphant, le lapin, et enfin l'âne. Et tous, comme Noé l'avait commandé, ôtèrent leurs oreilles, et tous reçurent en échange un numéro de vestiaire, attaché à un cordon qu'ils passèrent autour de leur cou. Grâce à ces précautions, la paix régna dans l'arche pendant les 40 jours que dura le déluge. Le 41e jour, Noé dit aux animaux « Voilà le beau temps revenu. Je vais vous rendre vos oreilles et vous pourrez retourner chez vous. » Alors l'une après l'autre, toutes les bêtes passèrent au vestiaire et elles reçurent leurs oreilles en échange du numéro. Le chameau arriva l'avant-dernier. Il ne restait plus que 2 paires d'oreilles, les siennes, très grandes, et celles de l'âne, toutes petites. Mais avant que le bon chameau pût montrer son numéro, l'âne lui passa entre les jambes et se mit à brailler. « Monsieur Noé, Monsieur Noé, donnez-moi mes oreilles. C'est cette grande paire-là. Je suis très pressé. » Le père Noé était si fatigué qu'il ne fit pas attention au faux numéro que lui remit l'âne sournois. « Tu me casses la tête. Tiens, voilà ton bien. Décampe. » Et Noé donna les superbes oreilles du chameau à l'âne, qui s'enfuit en pétaradant de joie. Quand le chameau ouvrit enfin ses babines pour réclamer son dû, il n'y avait plus dans le vestiaire que les oreilles de l'âne, dont il dut se contenter. Et voilà pourquoi le chameau, qui est une bête de grande taille, a des oreilles si courtes, tandis que l'âne, qui est beaucoup plus petit, en a de si longues. Fin du chapitre 16. Enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public.